قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هل ينبغي أن الإنسان يسفونت أنه إلى فتل شوز يغاكونت عيادا بالله؟ الآن في من إبوك كما لا يخفى عليكم أن البعض à cause de cette musiba des réseaux sociaux, الآن, tout ce qu'il fait, on ne parle pas min al-mubahat. Anna wa'adahum rubbama, il veut manger, il photographie, il met dans son compte. Aïn al-fa'ida. Ashaddu min dalik wa adhar, encore plus grave, anna al-ba'ad, tout ce qu'ils font min al-ibadat, ils prennent en photo. Et des ta'liqat. Wallahi ra'ayna minhum, il est assis fil majid ma'al mushaf, et yusawir, et il met ça dans son compte. Et ça se propage. Et allaq, anna cette jalsa c'est une ni'ma ou min hadha kalam. Ittaq Allah bi nafsik. Si c'est une ni'ma, limadha la montrer aux autres? Aïna al-fa'ida? On doit faire attention à nos cœurs, ya ikhwan. Wallahi wa al-ba'di, ils se sont photographiés ou filmés en train de tourner les pages d'un livre. Annahu yaqra. Wa yamdah nafsa. Annahu il aime écouter le bruit des pages, il aime. Et shahad al-kalam. Ça ouvre un bab shar ala nafs. لأن الإنسان سيفسا ربما يمدح ولا شك أنه سيمدح من بعض الناس il va être complimenté ou félicité dans des commentaires, dans des ta'liqats et sa niya elle peut changer. وعد السلف il faisait tout pour qu'on ne sache pas ou que les gens à leur époque ne sachent pas أنهم ils font telle ibadah وعدهم كان يصوم سنين ولا أحد يدري. Personne ne savait أنه il faisait le siyam. بعضهم يقوم الليالي ولا أحد يدري. بعضهم كان يتصدق ولا أحد يدري. À sa mort, ils ont su. أنه فلان, en fait, صدقة, elle venait de lui. Quand il est mort, il قطعت. هذا عمل الصالحين. أما cette époque de ضعف, c'est une époque خطيرة. Cette éducation, عياد بالله, من أعداء الله, أن on doit se montrer. الآن, بعضهم تعلمون, ils vont au حج. Et أول ما يفعل, quand il arrive, il se prend en photo. Et يطرح هذا في حساب, dans son compte. أين الإخلاص؟ أين الإخلاص؟ هذا ça peut contredire الإخلاص عياذا بالله. لا شك c'est une porte شر qui a été ouverte. فاحذروا. Vous n'ouvrez pas cette porte. Tu adores Allah. احمد الله. المنس لله. Et ne te montre pas. يعني ما تدري. ما تدري ce cœur. Allah سبحانه وتعالى يحب من عباده الإخلاص. Et كذلك ne pas se montrer الرياء. C'est خطير جدا. Enfin, comparer la situation qu'on vient de décrire et lisez Siratu As-Salaf. Qala Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. Ça nous montre qu'on doit faire الدعاء. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada khalilu ar-Rahman. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana ja'alna Rabbana waj'alna muslimayn lak. Lianna aujourd'hui, on est des muslimines et demain, Allahu a'lam bihalina. Al-a'malu bil khawatim, fama nadri. Lihada, al-muslim, il fait des efforts. Et il fait attention à ce qui contredit al-ikhlas, min riya'in, wa sum'a, wa shirk. Et kadalik, il fait attention à l'ujb ou al-ghurur. Et d'oublier, anna al-minna salillah, et se vanter, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala deux choses. Al-thabat ala al-amr. Tant qu'il est vivant, al-insan, il doit faire attention. Fa inna al-hay, la tu'man alayhi al-fitna. Comme a qala Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Tant qu'on est vivant, la tu'man alayna al-fitna. L'insan, il peut s'égarer, il peut sortir de l'islam. Wa Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-hikmatu al-baligha. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Tu fais salat, demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Deuxième chose, demande à Allah subhanahu wa ta'ala husn al-khatima. L'anna al-a'mal bil-khawatim. L'insan, il sera pris en compte sur ses derniers a'mal. أما شخص توت صبي عيادا بالله ستئ مسلم ثم كفر إيمان على الكفر فلا ينفعه إسلامه ولا شيء. Et une autre personne toute sa vie cette personne c'était pas une musulmane. Thumma, à la fin de sa vie, tatoub wa tarji' ila Allah subhanahu wa ta'ala, falhamdulillah. Cette personne m'a tête à la khayr. Fal a'malu bil khawatim. Fa nahnu, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, husna al khatima wa thabat.